Issa Diawara est toujours là? Ouais, je suis là, vous me recevez? On vous reçoit, cher ami. Vous me recevez? Merci beaucoup, cher ami. Vous devez constater, je suis en route pour une réunion. Monsieur Junior Wafa, pour répondre à votre question, je salue tous les intervenants. Je salue tous les intervenants. Afrique Média est une chaîne panafricaine. Et nous avons eu à dire sur Afrique Média que la transition politique au Mali est une transition panafricaine. C'est dans ça, même si vous suivez les interventions des autorités du Mali, ce n'est pas au nom du Mali seulement que cette transition est en train d'être faite. Mais c'est au nom du peuple d'Afrique. C'est l'Afrique qui est en train d'expérimenter quelque chose à partir du Mali. C'est pourquoi j'ai un frère, un intervenant, un appelage beaucoup apprécié. Mais quand il dit « si vous Maliens », là c'est une erreur. Nous, Africains, c'est comme ça qu'il faut le dire. Dans l'hymne national du Mali, on dit « si l'ennemi découvre son front au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir. » Pour l'Afrique et pour toi Mali. D'abord pour l'Afrique. Il a dit dans la constitution du Mali que le Mali est prêt à renoncer à une partie de sa souveraineté pour construire l'unité africaine. Donc ce qui se passe au Mali, c'est un combat de l'Afrique contre l'Occident qui se joue en terre malienne. Ça c'est très important de souligner. Vous devez comprendre, les gens n'ont pas la même analyse. Il ne faudrait pas s'attendre à ce que chaque intervenant sur Afrique Média, chaque consultant, ait une analyse peut-être qui va dans votre sens. Ça, c'est très important. Mon frère malien qui a intervenu, Bakary Koné, c'est son idée. Maintenant, il s'agit de sa voix aussi contre la voix des milliers de Maliens qui sont en train de manifester au même moment que nous sommes en train de faire cette émission. Que disent ces Maliens? Ces Maliens disent dehors l'aménagement. Aucun d'entre eux ne demande la révision d'un mandat de l'aménagement. Ça, c'est ce qu'il faut aussi prendre en compte. Est-ce que les cinq colonels ont dit quelque chose dans ce sens? Non. Mais quand vous dites, quand vous voulez substituer le peuple malien, bien sûr, à travers la voix d'un seul malien, c'est une erreur. Moi qui suis en train de parler, moi, général Diawara, mais ma voix ne fait pas l'idée de tous les Maliens d'emblée. J'essaie peut-être d'analyser, faire un sondage d'opinion, et peut-être une enquête d'opinion avant d'intervenir. Fouetter les journaux, les médias de la place, mais cela ne veut pas dire que j'ai été mandaté, bien sûr, pour intervenir au nom de tous les Maliens. Ça, c'est vraiment un point important qu'il faut souligner. Maintenant, il y a un deuxième point. Donc, il faudrait savoir distinguer une position individuelle d'un homme et avec une position collective. Les manifestations qui ont lieu un peu partout au Mali aujourd'hui, c'est des positions collective. Et je pense l'émission d'aujourd'hui porte sur cela. Deuxième chose, la France en réalité ne peut pas se départir de l'aménagement, tout comme l'aménagement ne peut pas se défaire de la France. Qui a amené l'aménagement au Mali? L'aménagement au début, c'était MISMA. Et là encore, qui a changé cela? C'est la France. C'est la France qui, en venant au Mali, a amené ses forces de soutien. C'est la France qui a amené toutes ses proxys. Et parmi les proxys de la France, vous avez les rebelles que la France est allée faire installer à Kidal, où la France a interdit l'accès de Kidal à l'armée malienne. Et cette armée malienne, il y avait des jeunes officiers, et le colonel actuel là était dans la plupart des cas des capitaines. Les Assimi Goïta, les Malik Diaw et autres étaient dans leur grande majorité des capitaines. Et qui connaît le rôle des capitaines dans une armée? Ce sont eux qui mènent les troupes, les lieutenants et les capitaines sur le terrain. Donc, ils ont même l'un de leurs promotionnaires qui a été massacré dans ce cadre. Il s'agit du capitaine Traoré, Sékou Traoré d'Ibad qui a été égorgé avec ses hommes à Guelog. C'est ce qui a déclenché d'ailleurs les événements qui ont abouti au coup d'état de 2012. C'est très important l'histoire de l'aménagement. Donc l'aménagement est une proxy de la France. Et tous les officiels de l'aménagement, tous les chefs de division sont à 90% des Français. Et qui dit français, il s'agit des services de renseignement de la France. Ce sont eux aujourd'hui qui sont majoritaires, en tout cas au niveau de l'aménagement. Et nous savons qu'à partir de Kidal, les avions qui atterrissent viennent ravitailler les rebelles via la ville de Kidal sous couverture d'un certain accord que le Mali aurait avec les rebelles qui sont logés à Kidal et des rebelles qui patrouillent ensemble avec les forces françaises quand elles étaient à Barkhane. N'oubliez pas que lors de la bataille de 2014 entre l'armée malienne et les mercenaires français et algériens contre l'armée malienne à Kidal, suite au départ au voyage du Premier ministre Moussa Mara, qu'est-ce qui s'est passé, mon cher Junior Wafo? Et l'armée malienne qui s'était repliée sur un camp de la MINUSMA avec plus de 25 véhicules armés, la MINUSMA a saisi toutes ses armes et a dit que ces armes-là sont désormais propriété des rebelles. Ça, c'était avant signature d'accord. Et lesquels rebelles? Ils avaient un renfort de Mokhtar Belmokhtar. Mokhtar Belmokhtar, c'est le borne, un terroriste puissant et très recherché qui opère à la fois dans tout le Sahel, c'est-à-dire au Mali, au Sahara occidental, jusqu'au niveau de la Libye. Et c'est cet homme-là qui avait apporté assistance à ces rebelles auxquels la MINUSMA avait remis les armes. Autre chose encore, 2014-2015, quand Gatcha, groupe d'autodéfense des Touaregs, immigrants et alliés, autres Touaregs qui ne veulent pas de séparation du Mali, quand le général Gamou et ses hommes ont voulu prendre Kidal, c'est la MINUSMA qui a dressé ce qu'elle appelait un cordon de sécurité autour de la ville de Kidal pour empêcher ses forces d'autodéfense, ses forces pro-gouvernement central du Mali, de prendre le contrôle total de Kidal. Donc vous savez, la MINUSMA, en Côte d'Ivoire, les forces onusiennes se sont bâties aux côtés des rebelles pour déloger le président Laurent Gbagbo du pouvoir. Il faut comprendre cela. Maintenant, si le Mali ne renouvelle pas le mandat de la MINUSMA, mon frère Junior Wafo, dans ma première intervention, j'ai peut-être été un peu, j'ai usé des formules un peu diplomatiques, mais là je vais encore être direct, comme c'est de mon essence. Si la MINUSMA, si l'ONU nous impose la MINUSMA sans que le Mali accepte, les autorités du Mali n'acceptent le renouvellement d'un quelconque mandat, M. Junior Wafo, c'est la guerre. Et cette guerre, elle se prépare. C'est la guerre. Tous les pays qui accepteront de faire maintenir leur contingent au Mali contre la volonté des autorités du Mali, ce sont des pays qui sont co-belligérants. Ce sont des pays qui vont nous déclarer la guerre. Et le Mali n'hésitera pas à appeler à sonner une mobilisation générale. Il y a déjà des chasseurs maliens qui sont prêts et il y a beaucoup de jeunes maliens. Nous sommes des millions à être prêts à répondre à l'appel. Et bien sûr, il y a bien sûr des Africains qui sont prêts aussi à répondre à l'appel dans ce sens. Donc, c'est pourquoi nous disons la transition malienne, elle est panafricaine. Maintenant, en ce qui concerne Kidal, pour le moment, il y a moins de communication de la part des autorités du Mali. Il faut comprendre que Kidal obéit à un plan militaire très secret, très confidentiel. Personne n'a accès. Chacun pourra faire sa part d'analyse, mais il faudrait savoir qu'il y a des choses sérieuses qui se préparent. Quand le Mali continue de se doter des avions, et nous avons des dernières informations, il y aura des avions de 4e génération qui arriveront. Mais ce n'est pas pour tranquer les petits terroristes qui se cachent, je ne sais pas, au pied d'une colline, mais c'est pour préparer des choses sérieuses. Quand le Mali se dote de missiles air-sol et de missiles sol-air, de missiles sol-sol, très sophistiqués, mais ce n'est pas contre deux ou trois personnes, des rebelles comme ça, qui se dispersent, qui posent des engins explosifs. Non, c'est contre des bases très sérieuses, des bases de déploiement ou des bases de regroupement. C'est comme ça qu'il faut lire. Et ensuite, pour terminer, le Mali sera le premier pays africain à faire partie des forces onusiennes. Le Mali, je le dis, je le répète, le Mali fera partie de la MINUSMA. Soit le Mali aura raison de la MINUSMA, ou la MINUSMA aura raison de nous. La survie du régime du colonel Goïta se joue avec cette histoire de la MINUSMA. Soit la MINUSMA reste, un jour elle s'allie aux rebelles, comme elle l'a déjà fait en Côte d'Ivoire, quand elle était là-bas, je ne sais pas quoi, on ici, pour renverser le président Laurent Gbagbo, soit c'est le Mali qui, bien sûr, va sonner une mobilisation, bloquer la MINUSMA et contraindre la MINUSMA au départ, et le régime de Goïta va rester sur pied, et bien sûr, le Mali deviendra un pays du rêve des panafricains, et bien sûr, le Mali sera ce que les Maliens veulent. Soit c'est la MINUSMA qui triomphe, soit c'est nous qui triomphons. Monsieur Junior Wafo, c'est que vous voyez les manifestations, c'est le début de la guerre avec la MINUSMA. Comprendra qui pourra. Je vous remercie. Ouara, je vous relance justement sur la question et l'avenir de la MINUSMA. Vous l'avez brièvement évoqué. Est-ce que, quand on regarde la situation et la détermination actuelle du peuple malien et de toute l'Afrique, cette Afrique-là qui soutient le peuple malien, est-ce que au final on peut entrevoir le destin de la MINUSMA du côté des rebelles? Est-ce que finalement la MINUSMA va finir par s'allier avec les rebelles pour continuer de rester dans le Mali et au Sahel? Monsieur Junior Wafo, la MINUSMA est déjà alliée aux rebelles. Il s'agit pour nous, il s'agit de comprendre, est-ce ces rebelles-là pourront tenir aussi longtemps face à l'armée malienne? Est-ce la MINUSMA, une coalition MINUSMA rebelle, peut avoir raison aujourd'hui des autorités du Mali? La réponse, évidemment, c'est non. Donc, c'est cette guerre qui est en train d'être préparée. Cette guerre, du côté du Mali, vous avez qui? D'abord, quand vous avez de telles manifestations, il y a des choses que je ne voulais pas dire, mais peut-être que je vais vous dire. Je suis un leader d'opinion, mais je suis aussi un leader à la tête d'une association, en tout cas très implantée au Mali. Nous avons une expérience dans les mobilisations. Vous pensez que toutes ces manifestations ont lieu contre la volonté des autorités du Mali? C'est la première question qu'il faut se poser. La réponse, évidemment, c'est non. Vous pensez que toutes ces manifestations ont lieu contre la volonté des alliés des autorités du Mali actuelles? La réponse, évidemment, c'est non. Donc, il y a des camps qui se font face. Chacun des camps en train de mobiliser. Il faut mobiliser d'abord le peuple malien. Et cela va par de telles manifestations. Le peuple doit se préparer à quelque chose qui doit arriver. De l'autre côté, vous avez qui? La MINUSMA, n'oubliez pas que lors du survol de l'armée et de l'avion malien, et de l'avion malien d'une base des rebelles, des bases de la MINUSMA à Kidal, on a découvert que les rebelles étaient ensemble dans le même camp que les gens de la MINUSMA. Et que des armes, l'arme que les rebelles ont utilisée pour tirer sur l'avion de chasse du Mali, et une arme qui a une portée de 5 km, est une arme de fabrication allemande. Or, l'Allemagne a bien sûr son contingent au sein de la MINUSMA. Comprenez ce que ça veut dire. Maintenant, de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle rebelles de la CEMA, vous avez les rebelles terroristes, tous les djihadistes là, ce que la France appelle État islamique, des rebelles se livrent des guerres au Mali. Vous savez que les autorités du Mali ne le savent pas. Il n'y a pas de guerre entre les rebelles au Mali. Tout ce que vous allez attendre sur RFI, c'est faux. S'il y avait guerre entre les rebelles au Mali, là, il n'y a pas des arbres au Mali, comme au Cameroun ou bien au Congo ou bien comme en Guinée équatoriale. C'est le désert dans cette partie du Nord. Ça allait trouver que les rebelles se sont nettoyés. On fait semblant d'intervenir juste pour accentuer une campagne d'intoxication contre l'armée malienne. Faire croire que l'armée malienne a abandonné des territoires entre les mains des rebelles. Et à ce moment, on vous fait monter une guerre fictive entre des groupes terroristes en territoire malien. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Dites-vous, il y a combien de blessés de part et d'autre des groupes terroristes? Ça n'existe pas. Si c'était le cas, l'armée malienne a tout son avantage de laisser les rebelles français, les mercenaires français, les mercenaires saoudiens, algériens, qataris et autres s'affaiblir entre eux et au dernier moment venir terminer le travail. Parce que c'est là où il y a le désert, là où il y a le pétrole, il n'y a pas à se précipiter à jeter sur un endroit où le pétrole n'est pas encore exploité. À la tête du Mali, vous avez des colonels qui sont des stratèges, qui sont très très intelligents. Donc, la MINUSMA, les rebelles, tout ce que vous appelez rebelles terroristes, c'est le même groupe. MINUSMA, c'est terroriste. La France, c'est terroriste. Et ils se préparent où? À partir du Niger. C'est de là-bas qu'ils sont en train de préparer. C'est pourquoi la ville malienne, non loin du Niger, chaque fois, des RFI et autres disent, c'est une ville encerclée, ça fait longtemps. Bazoum l'a dit, c'est une ville qui n'a jamais été encerclée. Et simple preuve, l'autre jour, l'armée malienne a neutralisé les rebelles là-bas. Et ils disent que ce sont des rebelles de la CEMA. Que font-ils là-bas? Donc, ne paniquez pas, la MINUSMA est du côté des rebelles, est du côté de la France, est du côté du Mali. Vous avez les Mali, vous avez les alliés russes. Parce que n'oubliez pas, lors de l'attaque, quand ils ont tenté d'attaquer le camp de Sévaré récemment, et que tous les terroristes ont été neutralisés, dans leur grande majorité des enfants soldats, qu'est-ce qui a été dit? Sur i24 News, et avec BFM TV, sont tous des chaînes d'un milliardaire français qui a contribué à l'élection de Sarkozy, d'Hollande, d'Emmanuel Macron. C'est lui aussi qui est propriétaire du journal Libération. Des gens comme le Xavier Niel, le Mathieu Picasse sont des milliardaires français qui sont derrière des réseaux comme Orange et autres opérateurs de télécommunications. S'ils ont leur marché à défendre, c'est pourquoi il faut renverser tout régime qui menace leur marché. Macron n'est qu'un petit pion dans ce qui est en train de se passer. Donc il y a tous ces clans, tous leurs médias qui sont ensemble face à qui? Au Mali. Qu'est-ce qu'ils avaient dit sur I-24 News? Que c'est un camp de l'armée russe qui a été attaqué au Mali. Donc pour eux, ils avaient déjà pris le camp. La communication de Serge Daniel, c'était quoi? Le camp s'est pris, les casques bleus vont se déployer et on va légitimer la prolongation ou l'imposition de la MINUSMA au Mali. Ça a été un échec total. Donc la MINUSMA est du côté des terroristes. Le Mali se prépare à cette guerre. Quitte maintenant aux pays contributeurs, le contingent de la MINUSMA, de retirer leurs troupes ou bien sûr d'être des co-belligérants dans une guerre contre le Mali. Et nous savons que nul ne peut vaincre contre la volonté des peuples. Les Maliens se battent au Mali, chez eux, nous gagnerons, tout comme des bergers talibans se sont battus chez eux, en Afghanistan, contre les forces de l'OTAN, avec plus de 130 000 hommes dans leur ensemble. Les Afghans ont gagné, ils étaient chez eux, et les Maliens sont chez eux. Quel qu'en soit l'agresseur qui viendra, sans doute nous allons payer un prix élevé comme les Vietnamiens, mais nous allons gagner, M. Junior Wafo. C'est ça le vrai combat qui est en cours. Je vous remercie. Également, cher ami Sadiawara. Afrique Média, le monde, c'est nous.